pleut sur la ville, comme elle fleurit dans mon cœur. Justement, et que vous l'aimez. Aïe, sa kwa kongole a jifeno vitamina mini oyo na mela na koma shifi ba mabo ina mwela eka chaka na yeba kone gela ye lelo na lobi alama itibia Kachaka, Bozua, Bozua, Tava Bolino, Pepa Carita, Bombo,